Jodia, nous allons continuer dans l'étude là. Comme nous t'ai annoncé, Jodia, nous allons commencer à rentrer dans des clés pour nous apprendre la Bible, apprendre à étudier la Bible. Nous voyons déjà plusieurs importances la Bible a dans la vie nous. Et Jodia, nous allons ben quelques clés qui pour servir nous le aborder l'étude de la Bible. Ne pas oublier que nous étudions déjà que la volonté de Dieu l'est révélée dans sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu et sa parole, c'est sa volonté. Si m'aller dans la parole là, me choisis parole là, ça veut dire me choisis volonté bon Dieu. Volonté bon Dieu, lit révélé sous forme d'exemple et de principe dans la Bible. Le besoin ouais ça bon Dieu dit sous yon bagay, m'allez déjà pour un moins ouais qui principe que li bail déjà sous ça et qui exemple li bail déjà sous ça. Exemple yo capable bon ou mauvais. S'il bon, on va reproduire. S'il mauvais, pour éviter. On prend exemple David. David gagne bon côté dans la vie, qui c'est bon exemple. Il est révélé dans la Bible là. Donc le ça, le mauvais exemple ça yo, on prend yo, on capable reproduire dans la vie. Mais il y a des exemples tout qui sont des mauvais exemples. Mauvais exemple yo. C'est pour me capable éviter. L'apôtre Paul pourra le dire plus tard. Ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, tout ça que dans la Bible là, c'est pas pour moi vin faire li, gain c'est pour me reproduire, mais gain tout c'est pour m'éviter. Donc, le mon bagaille pour ça le produit négativement. Par exemple, on prend exemple David encore. Dans le cas côté erreur dans le domaine sexuel de David, tout tracas mettait dans le royaume là. Ça, c'est un exemple pour montrer pour ne pas aller dans l'île ça. Je ne pas obligé de faire expérience là pour venir jouer une expérience là tout pour juste se laisser me prendre le son. Hein. C'est erreur pour ne pas commettre. En plus, une fois, nous dit bon, nous n'avons pas le fait, nous pas casser tête nous. Tout avant pour nous venir, ouais, qui Jean ça y est, mais non. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, là. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour ne pas reproduire même erreur. Là. Donc, la volonté de Dieu, ça l'y voulait ou ça l'y pas voulait, l'y révélé dans la Bible, là, sous forme de principe ou sous forme d'exemple. Donc, il suffit pour moi aller, ouais, qui ça t'est passé, qui genre, bon Dieu t'es traité car, pour moi-même, moi pas entrer là-dedans tout. Parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour un homme, il peut le refaire pour un autre homme. Parce que il pas fait exception de personne. Ça pas bon pour moi, il pas bon pour l'autre tout. De même tout, ça qui bon pour vous, il capable bon pour l'autre. Parce que bon Dieu pourra le traiter, nous, de la même manière, il ne fait point exception de personne. Kounyeya, lorsque moi prends parole, bon Dieu, hein, la Bible, parole, bon Dieu, hein, c'est volonté, bon Dieu, pour tous les hommes, et ceci en tout temps. Pendant tout temps gagné, hein, ça, bon Dieu, voulait, hein, pour tous les hommes, en tout temps. C'est ça qui est révélé dans la Bible. Et nous avons étudié tout, nous avons ouais tout, que la foi commençait seulement lorsque nous connaissons parole bon Dieu, hein, ou bien nous connaissons volonté bon Dieu sous yon point donné. Si nous avons besoin de la foi pour yon bagay, premier ça pour me faire, c'est aller dans volonté bon Dieu. Qui ça, bon Dieu, voulait pour bagay ça, si li et entraînant l'inli, le ça, la foi, pral commencer, produit, commencer bougeonner pour bagay ça. Donc, quel que soit sa besoin dans la vie, que ce soit la santé, que ce soit la guérison, que ce soit la paix, que ce soit l'harmonie dans ma famille, que ce soit la prospérité pour me vivre bien comme bon Dieu voulait, premier ça pour me faire, c'est pour aller dans la Bible là, à chercher qui sa parole l'a dit sous ça. La foi, elle commençait exactement lorsque parole bon Dieu a yo connaît. Maintenant, on a commencé aujourd'hui avec un verset qui est extrêmement important pour nous-mêmes, qui sommes étudiants de la Bible, ou nous-mêmes qui avons enseigné la Bible. Je parle à nous-mêmes aujourd'hui, qui des professeurs de la Bible, des moniteurs, des directeurs ou autres. Verset 1, nous venons dans Daniel 12, verset 3. Son dernier verset que moi remets en pile, qui est très intéressant. Verset a dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, c'est un verset qui grenègue en pile. Moun ki intelligent. Intelligent là, c'est pas dans le sens où dire ah, tu crois ça intelligent, c'est pas dans le sens ça. Mais reste parti à montrer me ça pour moi intelligent. Intelligent c'est comprendre bagaille là dans Jean bon Dieu ou elle là. L'intelligence, chaque fois que la Bible parle de intelligent, il parlait de intelligence de la manière de Dieu. Ouais chose, ouais bagaille là, Jean bon Dieu ou elle là. Et lui expliquer ceux qui auront enseigné la justice, ouais justice là tourner là, et nous dit justice là qui s'allie, justice là veut dire toute bagaille correcte. C'est ça justice là veut dire dans ce sens là. Justice là veut dire toute bagaille marche bien. Et chercher la justice de Dieu, Jésus pral dit, ça veut dire chercher pour faire toute bagaille Jean bon Dieu v'lil, Jean bon Dieu ouel. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est faire les choses comme Dieu les voit. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ça veut dire monde qui montrait la multitude, en pile monde, comment pour eux agir, Jean bon Dieu v'lil. Ils ont enseigné, mais la voie droite. Et la justice, c'est la parole, parce que David, pour expliquer nous, dans Psaume 119, verset 172, on court les versets ça au moment. Psaume 119, verset 172, David dit que ma langue entonne un hymne à ta promesse, car tous tes commandements sont justice. Toute parole, bon Dieu, la Bible, c'est la justice de Dieu. Tous tes commandements sont justice. Le nouveau mot commandement, pas courir immédiatement les 10 commandements. Généralement, dès qu'on voit commandement, on dit, bon, ça veut dire les 10 commandements. Mais non, tout ça, bon Dieu dit, il tourne un commandement. Pour quelle raison? Parce que bon Dieu, c'est un roi. Depuis roi parler, parole lit son commandement. Automatiquement, tout le monde doit faire sa loi dit. C'est pour ça que Jésus dit, m'observer tout commandement papa, m'fait tout ça papa dit. Depuis roi dit un bagay, il tourne un commandement. Donc c'est pour raison ça qui fait texte la dit moins qu'on y a. Moun qui enseigne la justice à la multitude, qui apprend moun yo pour marcher selon la justice, et la justice, c'est la parole de Dieu. Tous tes commandements sont justice. La Bible pour là, capable ouais, sont justes. Quand on dit juste, justice, c'est même bagaille là, c'est le même mot. Tout est comme, ça veut dire, yo allez toujours correct. Tout ça, bon Dieu dit toujours marcher. Bon Dieu, pas jamais prend chance. Bon Dieu, pas jamais essayer. Et si ça bon, ça bon. Non, non. Tout ça, bon Dieu a dit, hier, nous te ouais, que David et Samuel t'ai dit, les voix de Dieu sont parfaites. Parfaites, là, vous l'avez dit, ça marche toujours à 100%. Alors, ça qui est important pour nous, là, je vous dis, hein, tout le monde qui prend temps, nous, pour nous comprendre, bagayo, Jean bon Dieu m'a dit, pour nous comprendre, yo, et tout le monde qui prend tant nous pour nous enseigner à la multitude la justice. La justice, c'est faire les choses à la manière de Dieu. C'est correct. Alors, il a brillé comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà une promesse pour nous, les professeurs de la parole. Donc, c'est pour raison ça, nous n'avons pas d'intérêt pour nous aller crocher à la parole là. Parce que si m'a pas enseigné la Bible, m'enseigner de façon crochée, m'a pas enseigné la justice. Hey, ben me prendre ça. Si m'a pas enseigné la Bible, me prend Bible là, me tordait, me virait le non-sens, promets ça pas pour moi. Ben me prendre ça pour nous bien comprendre. Promesse l'a dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Et la justice, mot justice là, vous l'avez dit, aligné tout droit avec gouvernement. Ceux qui auront enseigné à la multitude la justice, ça veut dire comment bagayo marcher, comment bagayo fait, texte l'a dit, ils brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça veut dire si pas enseigner la justice, si on prend un petit cal en Bible là, ensuite, une tord de tout reste là, j'enseigne pas la justice. Pour mes ça, il vient pas pour moi. Donc c'est pour ça, 1 Corinthiens 14 dit, moun ka prophétisé a, moun ka parlé a, la parlé aux hommes, la édifié yo, édifié veut dire la construit yo, la exhorté yo, la consolé yo. Donc, lorsque nous avons parlé pour bon Dieu, nous avons prophétisé, c'est prendre la parole au nom de quelqu'un. C'est porter la parole au nom de quelqu'un. C'est ça qu'on a fait. Lorsque nous avons parlé au nom de Dieu, c'est nous avons prophétisé. Et toute parole que nous dit, moi, terminant pour aller une prophétie. Donc, on doit apprendre ça à Tikal, mais on a privé la dame puis devant. Prophétie, c'est toute parole qu'on prophète dit, que c'est un bagage qui pour aujourd'hui, que c'est un bagage qui pour demain, que c'est un bagage qui t'est déjà passé, depuis prophète l'a dit, moi, il est une prophétie. On va essayer de comprendre comme ça toujours. Maintenant, lorsque n'a prophétisé, n'a parlé, n'a enseigné à la multitude, qui ça n'a fait? N'a construit. C'est ça qu'on a fait là. On a construit un édifice spirituel à nous tous captandem. On a construit un bagaille. On a exhorté. On a consolé. Parce que la parole est là pour le faire tout ça. Et lorsque nous enseignons parole ça, nous édifier l'église là, nous construit. Et sous fondement qui s'est déjà établi, c'est Jésus qui fondement l'Église là, nous pas oublier ça. Maintenant, le nous venons enseigner, nous venons construire, nous avons fait chambre, nous avons fait et nous avons posé bloc, nous avons bâti forme à édifice ça pour que nous sommes capables de vivre assez à l'aise là-dedans. Donc, c'est important pour nous, faut que nous commençons maintenant qu'on est. Que la Bible, la donne, c'est la volonté de Dieu. Toute sa Bible-là, gain qui est écrit, c'est la volonté de Dieu. Donc, moi-même, en tant qu'enseignant, ou même en tant que professeur, j'ai une promesse qui marche avec nous. Mais promesse-là, j'ai une condition la donne. Promesse-là dit, monde qui enseignait à la multitude la justice, la briller comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, c'est promesse là. Mais en dans promesse là, gagnent une condition. Condition, c'est enseigner la justice. M'insister sur lui. La justice, là, c'est faire les choses à la manière de Dieu. Faire les choses correctement, Jean bon Dieu, dit yo. Enseigner parole là, Jean parole là, dit là. Et hier, nous te ouais, que si gen yon nan bagay qui détourne ou qui annule l'effet de la parole de Dieu, c'est la tradition des religions. Donc, dans quel que soit koto chita dans la religion, là, si vous êtes professeur, promesse ça pral pour vous si seulement ou enseigner la justice. La justice, ça veut dire ça qui droite là. Ça qui correct là. Ça parole là, lui-même le dire. Parce que nous voyons que la Bible a un sens. La Bible a une direction pour aller. Donc, c'est pas pour me prendre sens là moi-même, moi tourner pour le côté pour aller là. Non, c'est moi-même qui pour virer machine moyen pour me suivre route là. Route là gain courbe, me fait courbe là. Route là dit tourner à gauche, me tourner à gauche. Route là gain des flèches, me suivre direction ou quel que soit côté le pral avec. Non seulement ça me connaît, m'a suivre route là, la menem tel côté. C'est important pour que nous arrivions jodi à comprendre ça. Maintenant, nous praler ouais qui attitude pour nous gagner le nous a abordé l'étude de la Bible. Qui attitude pour nous gagner lorsque nous avons abordé la Bible, lorsque nous voulons comprendre li étudier pour nous découvrir ça que bon Dieu voulait nous découvrir à la volonté de Dieu. Pas oublier ça, la Bible gon côté le praler. Donc moi-même, faut moi mettre dans limite li, dans chemin li, dans trajectoire li pour que me capable aller côté le voulait pour m'aller ensemble avec. Alors c'est pour ça n'a pas l'ouais attitude que nous devons gagner face à et approche nous dans la Bible. Premièrement, le n'a abordé la Bible, nous devons gagner une attitude qui est correcte envers la Bible, envers les Écritures. Qui sa attitude correcte là? C'est by la Bible place li. Qui place li? La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, l'homme chita devant Bible là, m'chita en face Jésus. Avec tout respect que m'gain pour Jésus, moi pral maintenant chaque fois me lis parole là c'est un coup c'est Jésus lui-même qui a parlé moi bas la Bible attitude respect ça donc moi gagne une attitude correcte envers les Écritures envers l'Église je me parle de l'Église je parle du corps du Christ envers Dieu son Fils Jésus-Christ et envers l'expression de son amour pour les perdus le map lit la Bible le m'a approché la Bible, m'a respecté sa Bible a dit ya. La Bible parle de l'église qui est une entité importante, donc m'a respecté ça. M'a respecté tout les perdus. Parce que généralement, nous gen pour nous wè ça pi devant, gen pile moun lorsque yo converti, yo chrétien, c'est comme si yo pral gade yo à un piédestal par rapport à moun qui pas sauvé yo. C'est pas une bonne attitude du tout et nous pral ouais pour qui raison et c'est premier ça qui est important gagner une attitude correcte envers la Bible et envers toute entité que la Bible a pral mentionner envers Dieu envers Jésus-Christ envers le Saint-Esprit envers le corps du Christ l'église et envers les perdus donc c'est ça veut dire déjà moi gagner une attitude correcte envers toute personne. Toute personne, que ce soit des personnes divines ou des personnes humaines, que la Bible va parler de yo, moi une attitude déjà correcte envers yo. On commence par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tendez ça. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui inspirait la Bible. L'apôtre l'a montré que toute écriture est inspirée de Dieu. Et l'apôtre Pierre va l'expliquer, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ça veut dire déjà, un bagage pour moi, c'est le Saint-Esprit qui inspirait la Bible. Hein? Si c'est lui qui inspirait le meilleur monde qui a fait comprendre la Bible, hein? C'est le monde qui inspirait là, c'est le Saint-Esprit. Ah! Meilleur professeur de l'Église là, c'est le Saint-Esprit. Il m'a toujours fait nous comprendre ça, que l'Église gain comme professeur le Saint-Esprit. Bon Dieu, voyez, Jésus dit, j'enverrai le Consolateur, et quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Professeur l'Église là, c'est le Saint-Esprit. Et Romains 5, verset 5, dit que le Saint-Esprit est répandu dans nos cœurs quand bon Dieu bat nous l'amour. Bon, vous le verset dans le sens, pour comprendre. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, verset 5. Donc, lorsque moi accepté Jésus comme sauveur, moi, qui s'est passé? Bon Dieu répand l'amour dans le cœur. Et nous connaissons Dieu est amour. Donc si bon Dieu répand son amour dans nos cœurs, le mot répandant, vle dit, nous pouvons trancher pain et puis nous passer en bas sous lit. Donc nous passer en bas dans toute bouteille, dans tout côté colis. Li répand sous lit. Nous mettez petit garçon, mettez ou bien beurrel. C'est comme ça bon Dieu fait. Il prend son amour, il répand li dans cœur nous. Donc quel que soit dans qui espace dans cœur nous, l'amour de Dieu a l'il a bien chita. Et lorsque l'amour de Dieu a répand comme ça, et le texte l'a dit nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit est dans nos cœurs immédiatement que l'amour de Dieu répand et c'est d'ailleurs c'est par le Saint-Esprit qui nous a été donné que et l'amour ça vient installer le sous cœur nous. Et l'apôtre Jean lui-même lui dit dans 1 Jean 2 verset 20 pour vous vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction. L'onction c'est le Saint-Esprit. Nous toutes nous recevoir l'onction. Et verset 27 l'a dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Pourquoi? Parce que l'onction, c'est lui qui est le professeur, c'est le Saint-Esprit. Mais l'onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, moi, je vais gagner une attitude envers le Saint-Esprit, sachant que c'est lui qui est mon professeur. Le meilleur professeur de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Donc, je vais aborder la Bible. Premier, ça pour me songer. Moun qui inspire la Bible, là, c'est le Saint-Esprit. Et moun qui est capable de faire comprendre ça, lui-même l'inspire, là, c'est encore le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en moi, répandu dans mon cœur, qui demeure en moi, c'est ça l'apôtre Jean me dit, c'est lui qui va interpréter sa parole. Parole lui, c'est pour lui. Donc, c'est lui qui pourra faire comprendre ça, l'il veut dire. Sans le Saint-Esprit, pas capable de comprendre parole qui dans Bible. D'ailleurs, et l'apôtre Paul pral dit mon bagage dans Romains 8 verset 9, gardez pour nous. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pas capable enseigner la Bible. M'pas capable enseigner le Saint-Esprit, m'pas capable enseigner la justice, si m'pas gagné en moi l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est comme si m'tado gagné, par exemple, Et par exemple, ça, en pile fois avec you moun, mwen gen doa gon groupe ki di, mwen pa kwen nan Jésus. Mwen pa kwen nan Jésus, Jean yo enseigne Jésus, mwen nou pa kwen nan Jésus. Et metan moun sa di mwen ke l pa kwen nan Jésus, sa vle di li pa genyen l'esprit de Christ la nan li. Maintenant, groupe sa pa ka vin kounya pral enseigne m sou Jésus. Donc, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ, il n'est pas capable d'enseigner sur Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est aussi simple que ça. Donc, Jésus dit, Moun sa yo, qui sa yo pour le faire? Matthieu 15, 14 dit, c'est un coup, yon aveugle, kap conduit yon lot aveugle, comme résultat, yon tous deux pral tomber dans yon même trou. Yon aveugle kap conduit yon aveugle, ou pas besoin goumen avec yon tous deux pral tomber dans même trou. Donc, le Saint-Esprit a été donné pour que nous connaissions toute bagaille sous bon Dieu. Bon, fait nous lire verset ça ensemble avec moi. 1 Corinthiens 2, verset 12. Mettez-vous sous parole là. Parce que généralement, nous disons déjà, faut que nous commençons à retirer. Et ça, nous apprenons déjà dans le catéchisme là pour nous quitter l'esprit non clair, pour bon Dieu capable de faire travail, lié pour le faire. Bon, profitez de ça. Le n'a abordé étude la Bible de façon correcte. Pour nous capables de construire ça, nous les construisons. Songez, t'y expérience ça. Bon, moun qui voulait vendre l'autre caille. Maintenant, moun a intéressé justement à caille là. Maintenant, mais caille là, t'as une série de petits bagages pour faire. Alors, il t'a pour l'autre là intéressé à acheter caille là. Donc, il parle pour Olivier donc, ok, la profiter peinturer tout petit trou, t'es ouais, essayer de faire un tir à pistolet boucher. Ensuite, l'autre là dit, bon, de mon bagage. Ou pas besoin de faire tout geste ça, yo, parce que c'est pas caille là, m'vle, c'est terrain. Donc, une fois que m'achetel, m'vle démolir tout net, mais ça m'a vraiment besoin, c'est terrain, pour me construire, ça m'vle construire. Mais attitude pour nous gagner, l'on paraît devant la Bible. Des fois, et la politique, ça ne te connaît, nous pas laisser forcer pour nous faire. Non, non. Bail le Saint-Esprit, terrain. Bali que nous retirer tout petit rapistolage, tout petit trou rat nous devons boucher, retirer tout ça, tout petit couche peinture, nous devons couvrir péché, oublier ça. Parce que immédiatement, qui ça le fait? Li démolit quand elle a net, net, net, net. Ça le besoin, c'est terrain. Pour qu'on y a, Livine mettez fondation l'éa et pour le bâti, château le bâti. Le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 2, verset 12, dit-nous, Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que, tenez-vous bien, nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bon Dieu voulait nous connaître des bagailles. Et le Saint-Esprit est là justement pour nous enseigner ces choses. Jamais nous pas doué dire qu'on n'y a que nous pas qu'à comprendre les choses de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est venu justement pour que nous capables comprendre quoi? Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses, tout ça, bon Dieu, déjà bas nous. Nous qu'à connaître. Donc c'est important pour nous prendre connaissance ça, l'important pour que nous capables et bail terrain pour que le Saint-Esprit lui-même lui poser toute fondation hein, pour que nous capables connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tout ça nous devons connaître sous bon Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous les enseigner. Si nous pas vîn l'école, nous pas chita souban, nous pas ouvrir oreilles nous pas prendre connaissance dans mes professeurs là, le Saint-Esprit depuis l'os, depuis l'os, l'os, depuis les, li descend sou chrétien yo. Depuis le bon Dieu voyé, il descend comme des bruits de grosses eaux, comme des flammes de feu, des langues de feu. Depuis lors, il est là sur la planète. Il est là. Il vit en nous. Il n'est pas jamais retourné. C'est place de ça. Kounyea, il est toujours à parler. Mais Bobby entend ma voix. C'est nous qui pour Bali. Qui ça? Bal terrain, ya. Bal espace là, pour que les capables lui-même mettez ça le doué, mettez ya nan nou. Première attitude pour nous gagner, hein, c'est une attitude correcte envers la Bible, ou qui mande nous pour nous gagner une attitude correcte envers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui inspire la Bible là, et principal monde qui est capable. Expliquez-moi, faites-moi comprendre ça qui est dans la Bible, c'est encore le Saint-Esprit. Ou deuxième attitude que nous devons gagner, c'est ça, nous relais la révérence. Puisque la Bible, c'est la parole de Dieu, nous convaincus déjà de ça, nous devons approcher la Bible, nous devons approcher avec une révérence, ça veut dire un respect et le ça nous approcher pour nous coûter. C'est comme si la créature écoute son créateur. Tant coup serviteur chita pour le temps de sa mettre l'abdi. Tant coup soldat li campé au garde à vous pour le temps de sa commandant abdi. Tant coup petite là chita la zyeul sou papal. L'attendez sa papa le dit. On a abordé l'étude de la Bible. Nous connaissons d'abord que c'est le Saint-Esprit qui est le professeur qui peut aider nous comprendre. Maintenant, nous gagnons ça nous relève une attitude de révérence ou attitude de respect. Respect envers la parole, c'est comme il nous chita pour nous tendre ça ligain pour le dire. Et nous te lis déjà Psaume 89, qui dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc ça, c'est une garantie nous gagnons. Là, nous chita devant pour nous connaître que ça met la dia, il n'y a pas changé, il n'y a pas coup et baray cap. Volé par les vagues vantées, mais cette parole est solide, elle est établie, elle est bien installée. Donc, nous venons avec attitude, ça, qu'on est que c'est un roi qui parle à ces sujets. Et ça, belle dans le royaume de Dieu, c'est que le roi parle au sujet et tous les sujets du roi sont ses enfants. Oh! Dans le royaume de Dieu, tous les sujets du roi sont ses enfants. Et si nous voulons comprendre ça, nous voyons que la Bible, en fait, nous te dit déjà que ce n'est pas un livre de religion. La Bible, en fait, qui s'allie? C'est un livre qui bat nos relations qui gagnent entre un roi et petit li. Qui montre nous un problème qui t'est passé entre roi et petit li. Et qui Jean roi fait tout ça qui dépend de lui pour restaurer relation avec petite lui. Mais ça la Bible aille. Donc c'est pas un livre de religion, mais son livre de relation entre un père et ses enfants. Il parle non du royaume de Dieu et dans le royaume de Dieu, il y a le roi qui est Dieu et nous autres les enfants du roi qui encore tournait les sujets de ce royaume. Le sac important, c'est un royaume de rois. C'est pour ça Jésus va nous parler dans l'Apocalypse. Il va dire qu'il est le roi des rois. Le roi des rois, c'est pas le roi de Tigre Noir qui t'est gagné dans l'histoire. Yo, c'est pas le roi du Maroc, le roi, la reine de l'Angleterre. C'est pas ça qui lit roi des rois, non. Mais il parlait exactement de nous, parce que nous gagnons pour nous ça plus loin. Et Apocalypse parlerait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs pour Dieu. Donc, Le m'ap aborde la Bible m paret avèk reverans kom un sujè an prezans de son roi. Et ça me connaît qui est intéressant là-dedans, c'est que sujet yo, c'est nous et c'est des enfants de ce roi. Donc c'est pourquoi l'Ipral dit approcher avec assurance parce que nous en présence papa nous. Donc en face de la Bible, je suis en présence d'un roi qui parle à ses enfants, les princes de son royaume. C'est attitude ça me gagne. Donc automatiquement l'homme apparaît devant la Bible, on pas paraître avec aucune peur. Nous connaît gagner en pile bagaille qui fait dans l'histoire pour que monde vienne peur la Bible, surtout pour peur le livre de l'Apocalypse. Or c'est seul livre dans la Bible qui dit de pour lire ou béni. Libo yon garantie de bénédiction pour ceux qui lisent ce livre. Mais puis fois dit de pour lire l'Apocalypse, ou peur nous tout le monde peur à l'Apocalypse alors que c'est seul livre qui dit venez sans problème, juste lire seulement nous gon bénédiction. Maintenant, attitude pour nous gagner, nous changer aujourd'hui. C'est l'apparaître devant la Bible, c'est l'attitude d'un enfant qui écoute son père. Un maître qui parle et les serviteurs écoutent. Nous, c'est une créature comme nous sommes devant son créateur. Un créateur d'amour qui parle à ses créatures que lui créer avec amour. Donc, c'est cette relation qui doit gagner. C'est peut-être ça que fait, nous t'ai toujours dit, nous gain accès directement à la parole. Jésus dit, nous rappeler, nous devons personnellement discerner ce qui est juste. Et nous tourner avec mot juste là. Mot juste là veut dire ce qui est correct. Et tout ce qui est correct, c'est tout ce qui est dans la Bible. Tous tes commandements sont justice, sont justes, sont corrects. Donc, le m'a approché la Bible, pas seulement et satisfait leur dit nous penser la Bible dit nous penser la Bible dit pas le dit la Bible dit penser la Bible dit montrez-moi de pour dit quoi la Bible dit montrez-moi sont pas qu'à montrez-moi c'est un commentaire ou bien c'est un bon ça regardez bien et de pour ouais une doctrine quelconque. Ou bien, yon bagay que y'a pensé n'yo dit, li commence comme ça. Nous croyons que, fais attention, faut chercher côté li dit. Parce que nous croyons que la Bible dit, pas vle dit la Bible dit. Nous pensons que, nous pensons que, c'est pas la Bible qui dit, ça c'est ça que, ça nous penser. Ou les interprètes voient en cette parole tel bagage, attention, là c'est où les interprètes, ou encore, nous considérons que, et pourtant nous croyons que, nous pensons que, nous considérons que, les interprètes disent que, les docteurs disent que, mettez toujours en tête où, que là, nous en présence ou bien des commentaires, ou bien des explications, ou bien des interprétations, ou bien des lumières, ou bien des suppositions et non des commandements du roi. Bon, on va prendre ça. L'opportun de Wab dit, nous croyons que, nous pensons que, nous considérons que, les interprètes disent que, qu'on est, que là, nous en présence des commentaires, nous en présence des explications. Nous en présence des interprétations, nous en présence des suppositions et non des commandements du roi et non des enseignements clairs du roi. Tout autant, on pas qu'à dire, mais côté roi d'il, et nous avons un exemple clair dans et les épîtres de l'apôtre Paul, côté, ils ont posé l'apôtre Paul aux questions et ils ont dit, la loi dit, d'après la loi. Mais est-ce que y a un texte qui montre lui par un texte là? C'est ça qui fait, l'interpréter, nous comprendre que ça, c'est une explication, une interprétation, une façon que vous avez fait là, mais ce n'est pas un enseignement clair et précis de la parole. Nous avons pour nous voir ça plus devant. Donc, attitude que nous gagnons, son attitude révérencieuse. C'est ça, français a dit, mais nous gagnons une attitude de respect. Et attitude de respect, ça fait que si la Bible pas dit, Alors, respecter, bon, disons ça en l'autre façon pour nous comprendre, moi, ben, tout respect ça à ça que Bible a vraiment dit. Donc, si Bible a pas vraiment dit, en présence de yon commentaire, yon interprétation, yon supposition, m pa bali révérence comme si c'est wa ka parler. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire, ou ge doit nan doctrine. Doctrine dans son belle doctrine, li bien chita, logiquement, li bien tombé, et ça compte pi belle bagaille nous fait. Nous chercher des versets, nous corriger doctrine nan, mais lors rentrer là-dedans, nous pas joindre que wadou exactement, c'est ça pour faire. Mais nous voulons faire par tradition, nous voulons faire parce que, bon, et c'est ça, nous croyons dans l'Église là, c'est ça, c'est comme ça, et nous interpréter lui, donc c'est comme ça, nous considérer, pas bal même respect, à si wa dit, mais moi, je vous dis. Donc si, nous arrivons de l'autre côté, côté wa dit, mais moi, je vous dis, avec toute belle considération pour la tomber, et wa, ça wa dit, c'est l'écap kembe. Donc c'est attitude ça que nous devons gagner envers la Bible. Et gagner deux autres petits points encore pour nous bailler avant de finir partie ça. L'autre, après, à part la révérence, ça nous relève l'humilité. Nous devons démontrer une attitude humble envers les autres étudiants de la Bible. C'est important. Pour que, faut que nous songions, la Bible est écrite pour nous. Maintenant, pas gagner un monde qui gagne toute bagaille là pour lui. Pas gagner un monde, un groupe de monde qui gagne toute vérité à révéler à lui. Si gagne un bagaille, la religion vient faire, c'est que la religion, entre nous, c'est nous qui gagne vérité. Et depuis que c'est nous qui gagne vérité, ça veut dire que ça, quel que soit ça, l'autre l'affaire, il n'est pas bon. Et vous savez, ça arrivait même dans chanter, à chanter, vous dites ça, c'est pas chanté par nous, ça c'est chanté l'autre groupe là, donc vous pas chanter chant ça dans l'église ça, parce que c'est chant l'autre groupe ça, c'est nous qui vérité ya, donc c'est chant par nous yon bon, c'est nous arriver dans niveau ça. Ça c'est une attitude pour nous pas gagner en tant que vrai étudiant de la Bible. Puisque l'église former un corps. Corps là, vous l'avez dit, il y a plusieurs membres. Gen bagay, c'est Pierre seulement qui découvre. Et le Pierre découvre, c'est Pierre qui peut apprendre ses voiles. Gen bagay, c'est Méan qui découvre. Le ça, c'est Méan qui peut voyer information par ses voiles. Gen bagay, c'est yeux qui découvre. Gen l'autre bagaille, c'est seulement néant qui a découvert l'odeur, c'est seul néant qui a vu l'information à aller. Maintenant, qui j'en cerveau a senti le vin gros nègre? Il y a toute information. Comment? Pied a parlé, main a parlé, nez a parlé, bouche a parlé, yeux a parlé, peau a parlé. Maintenant, cerveau a non moyen pour que l'y recevoir toute information yo et qu'on y a la capable passer des ordres. Le livre en côté, il dit, puis il a sauté pour ne pas tomber dans le trou. Le livre en côté, il dit, mais râlez-moi pour pas bouler. Le livre en côté, il dit, j'ai fait mes yeux pour reprendre. Donc, cerveau a toute information. Si nous regardons dans la Bible, nous parlons, il y a quatre évangiles, par exemple. Et yo, tout yo parlé de Jésus. Mais ça qui passait, yo chaque yo bay Jésus sous yon angle. Pas gen yon ki pi bon que l'autre. Pas gen yon ki contredit l'autre là. Mais qui ça fait? Ça fait que nous complémenter yon ak l'autre. Pas gen yon seul croyant qui recevoit toute instruction an pour tout l'autre monde. Parce que nous cerveau humain, hein, pas capter toute bagaille. Et bon Dieu voulait pour que corps du Christ là, nous chaque côté nous découvrir un bagaille et nous mettons à la disposition de tout le corps pour que tout corps a bénéficié. Bon, je dis non bagaille là. Nous t'ai lu déjà 2 Corinthiens 1er 24 qui dit « Nul ne domine sur la foi d'un autre. Personne ne domine sur la foi d'un autre. » Et c'est là que Satan intervenu pour déranger le corps du Christ. Le fait nous comprendre, par exemple, que dans la religion pamelan, c'est l'âme qui a toute vérité et pas l'autre là, pas bon. Bon, fait nous voir un petit bagaille. Un piège là. Si Satan voulait moins faire un bagaille, il mettait dans la religion. Et s'il pas voulait me faire un bagaille tout, il mettait dans la religion. Ça nous comprendre là. Et bien, bon, me dire non bagaille. C'est là pour yeux non ouverts. La religion, malheureusement, Satan pral utiliser pour lui égarer moun dans chaque bout. M'pral bon exemple avant. Gon bagay, Bible la gedwa di li, et si religion, nan religion sa mwenye ya, yo di, bon, nan religion pa nou an, n'ont pas fait tel bagaille, eh bien, qui s'est passé? Tout le monde qui vient dans la religion pamnan, pas fait, parce que la religion pamnan, pas fait. Mais maintenant, l'autre religion qui n'a pas enseigné, depuis maintenant, l'autre religion, ça, on a fait, parce que la religion pamnan dit qu'on a fait. Je vais prendre un exemple clair avec nous. Bon, religion, par exemple, qui dit, n'ont pas mangé viande cochon. N'ont pas mangé et des choses que la Bible dit pas manger. Donc, ils reviennent avec la Bible là pour dire n'ont pas mangé. Maintenant, regardez pour elle, posez moun yo question. Pour qui raison pas manger tel bagay? Première réponse là, parce que religion nan, nan religion pam nan, n'ont pas mangé ça. Mais quand c'est déjà ouais ça qui passe là, non, c'est pas parce que la Bible dit pas manger que moun nan pas mangé. Parce que religion l'a dit, il pas manger, il pas manger. Donc c'est important là déjà. Donc bon groupe qui pas font bagaille parce que religion a dit il pas faire. Même pour l'autre groupe là, li manger viande cochon, on dit mais pour qui sont manger viande cochon, on dit parce que moi-même pas dans religion ça qui dit pas manger là. Automatiquement pas dans religion ça qui dit pas manger là, ça veut dire moi j'ai droit à manger. Même quand la Bible là dit pas manger. Donc c'est pas la Bible m'kembe déjà, même m'kembe sa religion m'nan dit m'nan dit m'pas manger, m'pas manger. On va prendre l'autre exemple avec nous. Religion ça parler en langue. Depuis ouais, parler en langue, ah, parler en langue, c'est telle religion. Mais c'est pas l'homme n'a aucune religion pour nous nous-mêmes nous capable automatiquement comprendre. Donc moi pas dans religion ça m pa parle en langue. Si m parle en langue, automatiquement c'est dans religion ça amie. Bien que la Bible parle en long et en large, expliquer raison d'être de parler en langue là, mais puisque parler en langue veut dire telle religion, c'est là qui est point fort telle religion, moi m pas dans telle religion, m pa parle en langue. Bien que la Bible dit moi dans 1 Corinthiens 14, mais bénéfice pour le corps du Christ et bénéfice pour soutenir croyant, pour fortifier croyant. Mais si religion pas m'en dit, nous pas n'embarré comme ça, alors nous pas faire. C'est pas parce que la Bible dit pas faire dans cas ça, mais c'est parce que religion pas m'en dit pas faire. C'est parce que là nous pas gagné ça nous relais. Une attitude d'humilité face à l'autre membre du corps du Christ. Donc, c'est important pour nous gagner une attitude d'humilité, pour nous reconnaître que gagner des vérités que le Saint-Esprit est capable de révéler à l'autre groupe ça. Si ça le révèle à moi, ce qu'un Bible à moi, ouais, que c'est dans sa Bible, c'est dans les Bibles liées, que c'est groupe ça qui vient avec moi, ça me fait en tant que corps du Christ, moi, prends-le. Attitude ça pour permettre que spirituellement moins grandi et bon Dieu voulait pour que chaque côté noyé groupe là ça nous ouais nous capable kembe l'une pour l'autre pour empêcher que malin rentrer et joigne nous accès parce que depuis le jour nous accès la rentrer il pral gailler tout groupe là dans mi-temps et enfin gain ça nous relait un esprit d'obéissance l'homme étudier Bible là l'homme découvrit des vérités dans la Bible, hein, fort moins gagné un esprit d'obéissance à Dieu. Sans cela, bon Dieu pas continuer avec. Si bon Dieu montrait mon bagaille et pas gagné un esprit d'obéissance, un esprit pour me dire bon OK, moi ouais et d'accord, me soumettre à ça d'ya. Eh bien, il n'y a pas d'intérêt pour le continuer bon encore. Et Jérémie dit, moi, le mapal fait nous ouais des choses cachées, des choses que nous pas de connaît. Mais nous pas joindre moi si nous cherchons avec tout cœur nous. Et comment pour moi si nous avec tout cœur nous, c'est le samedi nous fait un esprit d'obéissance. Les vérités fondamentales de la Bible, ses instructions, son histoire, les exemples de ceux qui ont obéi ou désobéi, doivent être considérés avec sincérité, avec l'objectif visé par Dieu et celui de suivre le Seigneur. Donc, l'homme prend toute vérité, yo, toute histoire dans la Bible. Moi, j'ai un Samuel, un sentiment, un esprit d'obéissance. Et avec l'esprit d'obéissance, ça, qui voulait dire, ça, bon Dieu, découvrir avec moi, ça le fait, moi, instruction, le bam, moi, pral, mettez-le en application, alors l'Éternel pral, commencez avec moi. N'a fini pour nous dire, lorsque nous gagnons attitude ça, nous gagnons et premièrement une attitude correcte envers la Bible, bah la Bible positionne, place-les, la parole de Dieu. Nous gagnons attitude envers le Saint-Esprit comme c'est lui l'inspirateur, c'est lui qui est le professeur, c'est lui-même qui est capable de révéler nous des choses. Or, il est en nous qui s'en a fait. N'a fait mes oreilles nous à tout l'autre monde pour nous ouvrir le bas le Saint-Esprit. Fermez que nous à toute parole n'a pas dans le monde là. Fermez télévision, fermez radio, fermez journal là. Qu'a nous toutes des paroles du monde, des paroles d'incrédulité pour nous ouvrir oreilles nous à Bible, ouvrir oreilles nous à parole bon Dieu, ya, pour que nous capables joindre ça le dire. Et nous besoin gagner une attitude de révérence, de respect envers parole là. Et respect ça, c'est toujours dit mes côtés li écrit, mais sa Bible a dit, râlez pays, il est écrit. Ou révérence, ou respect. Donc si m'pagan il est écrit, m'pa ou pas besoin d'attendre, m'pa le bal même révérence que m'baye à il est écrit. Ya. Donc révérence là, respect total capital là, c'est il est écrit à m'baye li. Donc ça vient faire que kounya m'gagne une attitude d'humilité aussi. Lorsque il est écrit apparaître, que c'est dans le groupe PAM l'a sorti, que c'est dans l'autre groupe ça l'a sorti, que c'est dans le groupe ça encore l'a sorti. Mais depuis le paraître, il est écrit, immédiatement, mon humilité fait me prendre, m'accepter, et c'est ainsi comme parle construit, et le corps du Christ a vint plus solide, plus gros nègre pour empêcher que Satan joigne accès. Et ensuite, moi, j'ai ça nous relayé un esprit d'obéissance. L'homme découvrit vérité, hein? Vérité est capable de faire mal. C'est pour ça que la Bible a dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger. C'est là qu'elle fait mal. Parce que le conseil de bagaille que la Bible est obligée de couper dans la vie. Conseil d'habitude que me prend dans le monde là. Conseil de bagaille que me prend dans le monde là. Et le bon Dieu vini, ce n'est pas Tikaïn que le monde là construit à le rapistoler. Faut le courir mettre un petit peinture sous lui pour cacher de sac en bas. Non, le Saint-Esprit vient pour le craser net, démolir. Ce terrain a le besoin. Il démolit. Maintenant, il mettez base là pour le construire terrain le besoin, pour le faire venir à l'image et à la ressemblance de Jésus, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et ça m'a dit, pour nous gagner un moment spécial avec l'Éternel. Ça nous relève une dévotion personnelle. Li bon pour nous découvrir une série de gros bagailles dans la Bible, mais nous découvrions par une relation intime et personnelle avec l'Éternel. C'est ça nous relève le temps du trône. Nous allons à l'église, c'est vrai. Nous allons dans des réunions, c'est vrai. Mais il y a deux moments, c'est moi-même avec papa qui chita. pour nous découvrir des choses. C'est ça, le temps des trônes, le temps du trône. Dans le langage et relations personnelles ou relations interpersonnelles, il y aurait ça, du temps de qualité. Eh bien, c'est ça. Je dis tant ça. Je dois c'est un seul verset, moi, prends. Ensuite, je médite. Seigneur, ça, verset, ça, je l'ai dit. Seigneur, fais-moi comprendre. Et je capable, avec petit temps ça, et puis je vais découvrir une série de bagailles qui étaient cachées. Une dévotion personnelle. Même Jean-Marie, Jésus t'a dit, Marie a accepté, a choisi la meilleure part. La meilleure part, qui ça le fait? Il vient trouver au pied du maître pour apprendre de lui qui ça livré pour nous en réalité. L'apôtre Paul t'a dit, pas oublier, les chrétiens de Bérée, c'est des chrétiens nobles. Pour quelle raison? Parce que non seulement ils prennent parole là avec cœur content, mais ça ils ont fait. Yo, mettez parole là en application, certes, mais chaque jour, yo tournez la donne pour yo ouais si ça, Paul t'a enseigné, c'était exact. Ni important pour nous gagner, petit temps ça, un petit temps de dévotion envers aussi et l'étude de la Bible pour nous rencontrer personnellement avec Maître là. Donc, nous finis. Aborder l'étude de la Bible avec une attitude correcte, un respect, avec un esprit d'obéissance, avec humilité, et venir avec un petit moment personnel, un petit moment avec l'Éternel pour découvrir, ou même avec elle, qu'ils n'ont pas fait route ensemble et n'ont pas arrivé quand même au bon port. La prochaine fois, nous pourrons rentrer pour nous bannir quelques. L'autre clé qui est important pour nous comprendre et interpréter la Bible comme étant la parole de Dieu pour notre vie. Amen.